Groundswell. Groundswell est une peinture à l'huile sur toile peinte en 1939. Elle mesure à peu près 1 mètre de haut sur 1,30 m de long. Elle est conservée aujourd'hui à la Corcoran Gallery of Art à Washington. Cette œuvre nous absorbe dans un univers marin. Le bleu et le blanc dominent la composition. Au premier plan, un voilier blanc flotte sur une mer bleu clair d'apparence calme, sous un ciel bleu ponctué de quelques filaments de nuages. La délimitation entre ciel et mer est difficile à percevoir. À bord du voilier, il y a 5 personnages, 3 hommes et une femme. Le cinquième est à peine visible. 2 jeunes hommes sont debout, tandis que le troisième, assis, tient le gouvernail. Ils sont d'allure plutôt athlétique. La jeune femme est allongée sur le toit de la cabine. Tous fixent leur regard vers la gauche sur un triangle métallique flottant. C'est une bouée surmontée d'une cloche. Sa fonction est de prévenir les tempêtes ou les lames de fond, d'où le titre du tableau, Groundswell. Alors que toutes les conditions sont réunies pour que cette sortie en mer soit parfaitement réussie, un malaise saisit le spectateur. Pourquoi ces personnages sont absorbés par cette bouée ? Il semble que la tempête qu'elle annonce ne soit pas d'ordre météorologique. En attendant l'orage. À plusieurs reprises, l'histoire se rappelle à Edward Hopper. En 1939, il suit jour après jour l'évolution de la situation politique et militaire européenne qui allait conduire à la Seconde Guerre mondiale. Groundswell répond à cette actualité et annonce un danger imminent. Avant ses œuvres métaphoriques, Hopper a peint de vrais tableaux d'histoire. À 2 reprises, il a représenté les troupes nordistes rassemblées avant la bataille de Gettysburg qui devaient décider de l'issue de la guerre de sécession. La guerre civile, dont les photographies de Matthew Brady constituent le témoignage le plus émouvant, marquait pour Hopper un moment charnière dans l'histoire de la culture américaine, la fin d'un âge d'or. Lorsque l'Amérique semble préférer l'ombre du moralisme à un puritanisme éclairé, Hopper redevient un peintre d'histoire. Il peint The Bootleggers, au plus fort de la prohibition, et Girlie Show, au début des années 1940, lorsque les ligues de vertu remettent en cause la légalité des spectacles de striptease. Edward Hopper face à la réalité de son époque. La Première Guerre mondiale. La francophilie de Hopper l'a conduit à prendre parti en faveur de l'entrée en guerre de l'Amérique aux côtés de ses alliés britanniques et français. En 1917, il remporte un concours d'illustration patriotique en concevant une image qui montre l'ouvrier d'un chantier naval brandissant une masse, accompagné d'un slogan vengeur, « Smash the Huns », écraser les Huns. La prohibition. Entre 1919 et 1933, le 18e amendement à la Constitution américaine interdit la production, la vente et le transport d'alcool dans le but de combattre l'ivrognerie, les injustices et la corruption. La pénurie d'alcool ainsi créée favorise l'introduction clandestine de spiritueux sur le territoire américain. Le trafic organisé par le contrebandier d'alcool sous la férule de gangsters tels Al Capone se développe de façon spectaculaire. Avec son tableau « The Bootleggers » de 1925, qui présente des trafiquants de whisky acheminant leur cargaison à la faveur de l'aube, Hopper évoque ironiquement la prohibition, l'hypocrisie qu'elle révèle. Le puritanisme. À partir de 1937, les théâtres burlesques new-yorkais se voient refuser leur licence et contraints de renoncer au spectacle de striptease. Comme en réponse à cette vague bigote, Hopper peint une survivante de l'âge glorieux du spectacle burlesque. La sexualité exubérante de sa danseuse est comme la bravade finale que la joie sensuelle adresse au moralisme étroit. La Seconde Guerre mondiale. Après l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie en 1938, il devient évident que le Japon, associé aux forces de l'Axe, ne va pas tarder à revendiquer les possessions américaines du Pacifique. Bridal Path, premier des 3 tableaux réalisés par Hopper en 1939, montre un groupe de cavaliers, au nombre de 3, comme ceux de l'Apocalypse, s'apprêtant à entrer dans un tunnel de Central Park. L'historien Alexandre Nemeroff voit dans le cheval blanc ce cabran le symbole de l'inquiétude qui étreint Hopper à l'approche des temps obscurs qui s'annoncent. Cape Cod Evening exprime un semblable sentiment d'inquiétude. Les deux personnages ignorent un danger qu'a cependant décelé leur chien. Groundswell, réalisé en septembre 1939, montre les passagers d'une embarcation attentifs au son de la cloche annonciatrice d'une tempête à venir. Le tableau donne une forme tangible à cette lame de fond, levée en Europe par l'attitude belliqueuse de l'Allemagne nazie dont la menace commence à être ressentie jusqu'aux côtes américaines.